ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la France! Vive l'Europe! Vive les grosses salopes! Vive la décadence! Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Il faut la combattre quand elle arrive avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Vive la France! Vive l'Europe! Vive les grosses salopes! Vive la décadence! Ça sent pas bon! La chute est proche! Ils font vos poches! Tout est bidon! Vive la France! Vive l'Europe! Vive les grosses salopes! Vive la décadence! À droite, ce sont des nazis! À gauche, ce sont tous des nazis! Au centre, ce sont des nazis! Et les nazis, ce sont tous des nazis! Continue de voter! Fais-toi bien engolfer! Cale-toi ça dans le fion et reste un bon garçon. Vous êtes tous à gerber. Le jeu démocratique, c'est bien pour les teubés. Ça me fout pas la trique! Mais un conseil du con! Tu dois faire attention! Ta rondelle dilatée! Va bientôt exploser! Ta rondelle dilatée! Va bientôt exploser! Ta rondelle dilatée! va bientôt exploser.